Bonjour, vous êtes sur Ado Radio en direct de l'Espace Jeune. Je m'appelle Chris et j'aime le basket. Aujourd'hui, nous allons parler de musique et je m'appelle Léandro et j'adore le BMX. Je m'appelle Timéo et j'adore le ping-pong. Je m'appelle Enelia et j'adore la gymnastique. Je m'appelle Léana et j'adore le basket. Je m'appelle Timothée, j'ai 12 ans et j'aime le rugby. Je m'appelle Loris et j'adore le hand. Timéo, quel type de musique écoutes-tu ? Moi j'écoute du rap US et du rap français. Et toi, Leandro, quel style de musique t'écoutes ? Moi j'écoute surtout du rap français. Et Jean-Claude, quelle musique écoutes-tu ? Moi j'écoute un peu de tout, mais j'aime pas trop la musique classique. Et Nelia, quel style de musique écoutes-tu ? De la pop. Léana, quel style de musique écoutes-tu ? Moi j'écoute de tout, j'ai pas de préférence. Et Loris, t'écoutes ? Moi, j'écoute plus du rap français comme du Jules. Et Chris, c'est quoi ton style de musique ? Moi, j'écoute du rap. Non, après, les autres styles, je kiffe pas trop. Timéo, j'aimerais savoir quel rappeur tu écoutes ? Moi, j'écoute SDM et des rappeurs pas très connus. Et toi, Leandro, t'écoutes quel style de rappeur ? Moi, j'écoute du Jules et un peu de Gazo et tout. Loris, t'écoutes quoi comme rappeur ? Moi, j'écoute plus du Jules et aussi un peu de The Weeknd. Timothée ? C'est quoi les rappeurs que t'écoutes un peu ? Tous les rappeurs, mais il y en a certains que j'aime moins, mais je sais pas leur nom. Et Nelia, t'écoutes qui comme chanteur en particulier ? Du soprano. Et toi, Léana, t'écoutes quoi en particulier comme chanteur ? J'écoute du soprano. Et toi, Léana, tu écoutes quoi comme chanteur ? J'écoute pas de chanteur en particulier, j'écoute un peu tout. Et Chris, t'écoutes quoi comme chanteur, toi ? Moi, j'écoute souvent du L2B ou du Chocola, et voilà. Bon choix, bon choix. Merci, merci. On parle de musique, on va vous faire écouter Wine de TKS2J. Tous ensemble sur Ado Radio. Une baby girl qui traîne dans la soirée. Une jolie femme qui pense qu'à Doguiné. Elle réclame sa sucrerie. Elle veut rejoindre mon lit, mais son papa arrive. Je me taille comme une souris. C'est la cata, je crois qu'il y a son papa. Faut que je me taille de là, non, faut que je me taille de là, non. C'est la cata, je crois qu'il y a son papa. Faut que je me taille de là, non, faut que je me taille de là, non, non, non. J'ai pris ta copine en chouaille. J'ai pris ta copine et sur moi est wine. J'ai pris ta copine en chouaille. J'ai pris ta copine et sur moi est wine. J'ai pris ta copine en chouaille. J'ai pris ta copine et sur moi est wine. Pas ni Robin, nous que des Batman sur le bon de ta copine, nous on fait du tam tam. Pas ni Robin, nous que des Batman sur le bon de ta copine, nous on fait du tam. Mademoiselle, crois que je suis un real Batman. Allô que moi je suis un doggy man. Je veux que toutes ces copines bougent leur gâte. Boum boum, je t'attrape comme un real Batman. Je prends un cocktail et je coque ta femme. Ta femme, je coque ta femme. Je prends un cocktail et je coque ta femme. Ta femme, je coque ta femme. Na na na na. J'ai pris ta copine en chouaille. J'ai pris ta copine et sur moi est wine. J'ai pris ta copine en chouaille. J'ai pris ta copine et sur moi est wine. J'ai pris ta copine en chouaille. J'ai pris ta copine et sur moi est wine. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Na na na na na na na na na na na na. Baise-moi TKS, est-ce que ta copine dit bon en toi t'es en reste. Baise-moi TKS, baise-moi TKS, est-ce que ta copine dit bon en toi t'es en reste. Tous ensemble sur Ado Radio. C'était Wine de TKS2G. Vous êtes toujours sur Radio Ado en direct de l'intervalle de Verrès. Chris, est-ce que t'es déjà allé à un concert ? Oui, je suis déjà allé à un concert. Et toi, Leandro ? Non, pas encore. T'es allé voir qui au concert ? Bah, en fait, ça date un peu. C'était plusieurs chanteurs. Genre du style Chocola, Il y avait même Soprano, enfin ouais, t'as vu, voilà. Ah ok, ok. Et toi, Timéo, t'es déjà allé regarder un concert ? Non. Et toi, Timothée, t'es déjà allé voir un concert ? Ouais. C'était qui ? Mathieu Chénid. Et toi, Loris, t'as déjà été voir un concert ? Non. Ok. Du coup, je reviens à ma question. Chris, t'as aimé ou pas ? Ouais, c'était bien, il y avait plein de monde et tout. C'était clip. Léana, est-ce que toi, t'es déjà allé à un concert ? Oui, j'ai déjà été à un concert. C'était bien ou pas ? Oui, c'était bien. Ok, ok. Et Nelia, t'as déjà été à un concert ? Oui, une seule fois, c'était Soprano. Ok, il y avait beaucoup de monde ? Oui. Est-ce qu'il y en a un entre vous là qui a comme projet d'aller aux Ardentes l'année prochaine ? Bah ouais, mais je crois pas, mes parents ils vont me donner de l'argent pour y aller. Hein. Moi je sais pas, j'ai pas les thunes. Moi je signe un contrat d'apprentissage l'année prochaine, donc je serai payé chaque mois. Donc les Ardentes c'est pour moi l'année prochaine. D'ailleurs, c'est quoi les Ardentes ? C'est un concert où il y a genre des rappeurs qui chantent et voilà. Timéo, tu comptes nous donner des places gratuites ou pas ? Ou en réduction ? Non. Ah c'est. Léana, du coup c'était qui le rappeur que t'allais voir ? Ou le chanteur J'ai été voir plein de monde, j'ai été voir Vianney, Soprano, Carbone, Luan, bah, plein de monde. Ok, ok. C'est lequel que t'as préféré ? Vianney. Ok, ok. Est-ce que c'est un d'entre vous qui aimerait aller à Tomorrowland ou à un festival de... En vrai, ça m'intéresserait. Hein. Moi, je connais, ça serait bien. Hein. J'aimerais bien aller à Tomorrowland, mais bon... Et les gars, pourquoi vous aimez autant le rap ? Pour la vulgarité des paroles. Pourquoi vous aimez bien les musiques des Soprano, Vianney et... Parce qu'on trouve ça moins vulgaire. Moi, ce que j'aime bien dans le rap comparé aux musiques classiques, c'est le rythme. Parce que j'aime pas le rythme dans les musiques du style Soprano, Vianney, des trucs comme ça. Moi, j'aime bien aussi l'instru. Et, ouais. Moi, ce que j'aime bien dans les musiques de Vianney, Soprano et tout ça, c'est que ça va moins vite et on comprend mieux les paroles qui chantent. Mais dans le rap aussi, on comprend les paroles. Oui, mais ça va un peu plus vite. Et toi, Timothée, pourquoi t'aimes bien Michael Jackson ? Parce que déjà, bah, c'est le chanteur le plus connu. Il est considéré comme le roi de la pop. Et parce que bah, j'adore ses musiques. Il n'y a pas une seule musique que j'aime pas. Loris, pourquoi t'aimes bien The Weeknd ? Parce que j'aime bien. Chris, c'est quoi ton titre préféré de Tiakola ? Réflexion, réflexion. En fait, je sais pas, parce que j'aime à peu près toutes ses musiques. Mais je pense Pona Nini, en vrai, elle est pas mal. Une de mes préférences. Très bon choix. Et vous, les filles, c'est quoi votre morceau préféré de Soprano ? J'aime un peu tout. Bah moi j'écoute pas trop de Soprano, mais pareil, j'aime un peu toutes les musiques de Soprano. Ok. Et toi Leandro, c'est quoi ton titre préféré de TKS2G ? En vrai hein. Why non ? Et de Jules. Comme d'hab. Pour continuer sur la thématique de la musique, on va passer coach de Soprano. Ado Radio, la musique des ados. Il est temps d'aller pousser. Enchaîne les squats, squat, squat. Abdo dips, pompe, bar. Abdo dips, pompe, bar. Frappez au sac, frappez au sac, frappez au sac, sac, sac. Allez, va chercher le chrono. Va chercher le chrono. Tous ensemble à la ligne d'arrivée. Tous ensemble à la ligne d'arrivée. On va taper dans le cardio. On va taper dans le cardio. On va viser dans le coche. Tu vas vie c'est musclé. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Allez, allez, allez, allez. Relève-toi, c'est dans la tête, on est ensemble, on va y aller. Allez, allez, allez, allez. Abdo, chips, pompe, barre. Abdo, chips, pompe, barre. Allez, allez, allez, allez. Abdo, chips, pompe, barre. Abdo, chips, pompe, barre. Allez, 10 secondes de récup et on repart. Tous ensemble sur Ado Radio. C'était Coach de Soprano sur Ado Radio. D'ailleurs, Leandro, quelle musique tu n'aimes pas du tout? En vrai, la musique classique, hein, c'est trop lent. Je suis d'accord. Et Chris, toi, pourquoi t'aimes pas la musique classique? Parce que j'aime pas le rythme. Toi, Loris, t'avais dit que t'aimais bien le rap ou pas? Oui. La musique classique, t'aimes bien? Pas trop. Qu'est-ce que t'aimes pas dedans? Tout. Et toi, Chris, c'est quoi ton rappeur préféré ou ton groupe préféré? Mon groupe préféré, je dirais L2B. Après, en rappeur, j'écoute un peu tout, du coup, j'ai pas trop de préférence. Mais sinon, en groupe, ouais, L2B. Et toi, Leandro, c'est qui ton rappeur préféré? Jul, hein. Les filles, qu'est-ce que vous aimez pas comme style musical? On n'aime pas trop le rap parce que je trouve qu'il y a beaucoup de vulgarité et il n'y a pas besoin de vulgarité pour faire une belle chanson. Ok. D'ailleurs, c'est quoi votre musique de film préféré, Chris? Tu peux poser la question à quelqu'un d'autre le temps que je réfléchisse, s'il te plaît? Ok. Et Nelia, c'est quoi ta musique de film préférée? J'en ai pas. Du coup, Loris, c'est quoi ta musique de film préférée? Bon, bah, du coup, Leandro, c'est quoi ta musique de film préférée? En vrai, c'est Jurassic, quoi. En fait, il y a un bon début et tout, et ça nous emmène dans le film. C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord. Moi, ma musique de film préférée, c'est Sunflower dans Spider-Man Across the Spider-Verse. Et vous, les filles, c'est quoi votre musique préférée dans les films? J'aime bien un peu tous les films. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de la table qui fait de la musique en tout genre? Non, moi je chante sous la douche. Ouais, moi aussi. Moi, je fais du piano. Ok. Depuis combien de temps tu fais du piano? Environ 2 ans. Ah, c'est cool. Les filles, vous faites du chant ou de la musique ou pas? Ok, c'est intéressant. Et Loris, qu'est-ce qui t'a apporté à faire du piano? Bah, parce que j'aimais bien les gens qui faisaient des douces musiques. Intéressant. Tu étais déjà inspiré d'une musique pour faire du piano ou pas? Oui, un peu. Laquelle? La musique de Mario. Ok, tu me montreras. Hein. Place à la musique Timeless de The Weeknd. Ado Radio, la musique des ados. One day, it's a hell of a show, but it's gonna hurt, cause we didn't. it first. Feel like Skate Bobby. BBC boys on the creep. Feel like it's all three. Neptune drum with a beat. She hit me flipping a beat. She wanna fuck with the team. She fell in love with the cream. She fell in love with the scene. Oh yeah. Her man quiet, not a peep. Broke his heart, PTSD. Hold his chest, let it breathe. Let it breathe. Niggas scheming, I got a priest. He got a cross, get out of line. Send him to God, I shed a tear. Pray for her loss, oh yeah. Since I was a kid, I've been legit. If I was you, I would cut out my wrist. Exotic all over her body, yeah. She just wanna roll and I don't mind it, yeah. Ever since I was a G, I've been legit. C'était Timeless de The Weeknd sur Ado Radio. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale, Maxime, notre animatrice. Maxime, quel type de musique écoutes-tu ? Alors, personnellement, j'écoute pas mal de choses, mais particulièrement tout ce qui est les musiques de comédie musicale, beaucoup. Du jazz, pas mal. Un peu de pop aussi, et du rock. Je suis un peu éclectique. Vu que t'as dit que t'écoutais du rap, quel rappeur écoutes-tu ? J'ai pas dit que j'écoutais du rap. J'ai dit rock. Ah oui ? Ok. Ça m'arrive d'écouter du Orelsan, notamment, voilà, par exemple. C'est laquelle t'as préférée d'Orelsan ? C'est pas facile. Peut-être... En vrai, la quête, elle est bien. Elle est pas mal, la quête. Mais c'est pas ma préférée, je pense pas. Mais là, j'ai pas le titre de ma préférée. Ok. J'aime bien Suicide Social aussi de Orelsan. C'est une vieille de lui. Aimes-tu chanter ? Alors oui, j'aime beaucoup chanter. C'est même mon futur métier, entre guillemets. Je suis en formation dans la comédie musicale, justement. Donc je chante tous les jours. Je suis en formation professionnelle pour être chanteuse pro. Vous pouvez nous chanter un petit bout ou pas ? Non, pas tout de suite. Parce que sur le micro radio, ça rendra rien. Mais, mais voilà. Et tu chantes quoi comme type de musique ? Bah du coup, majoritairement de la comédie musicale. Donc il y a plein de styles en vrai dans la comédie musicale. Il y a autant du R&B que de la pop, que du jazz, que du rap même. Il y a plein de comédies musicales avec du rap, genre Hamilton, je sais pas si vous connaissez. Donc un peu de tout, ça dépend de la comédie musicale en question. Et est-ce qu'il y en a ici qui aiment chanter même sous la douche ? Et si oui, qu'est-ce que vous chantez quoi ? Moi je chante surtout du rap sous la douche, mais un peu. Ok. Et il y en a d'autres qui sont des chanteurs amateurs ? Oui. Sous la douche aussi. Et tu chantes quoi, genre ? Les musiques de TikTok. Ça marche aussi, hein ? Moi, je fais des feats tout seul. T'écris des trucs ? Du freestyle ? Non, j'ai vos talents. Ah ! Toi, c'est sûr que tu danses le logobi. Bonne déduction. Moi, je connais un... Il y a un pote à moi, il écrit des sons et tout, il s'appelle Hippolyte. Ah, il fait du rap ? Il est sur Véretz ? Oui, il est sur Véretz, il habite pas très loin de l'espace. Trop stylé. Vous mettrez son snap en description. Qu'est-ce qui t'a fait aimer le chant et pourquoi tu t'es lancé dans ça ? Alors, dans le chant, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'expression et tout. T'es un peu libre d'exprimer des choses avec des musiques et des paroles et tout. Et j'ai commencé le chant jeune dans des chorales. Du coup, c'est pour ça que j'ai voulu faire du chant. Et c'est pour ça que j'ai continué là-dedans. Et vous, s'il y en a qui aiment tant la musique ou le rap et tout, qu'est-ce qui vous a fait aimer ? Est-ce que c'est vos parents qui écoutaient ou est-ce que c'est vous, du jour au lendemain, vous avez découvert le style ? Moi, c'est mon frère qui a commencé à écouter du rap, du coup, je l'ai suivi et maintenant, j'écoute beaucoup de rap. Stylé. Et les gars aussi, c'est pareil, la même chose ? Non. T'as découvert comment, toi, du coup ? Tout seul. Avec Spotify et la radio, genre ? Ouais. Non, pas la radio. Spotify ? Ouais, okay. Spotify. Ouais, Spotify, TikTok, les réseaux sociaux, ça nous aide à découvrir des chansons. Mm-hmm. C'est stylé, en vrai, de parler de TikTok, réseaux sociaux et musique. Parce qu'aujourd'hui, on découvre vachement de musique avec les réseaux sociaux. C'est votre cas ou pas ? Est-ce que les autres, genre Timothée, Loris, les filles. Ah, bah peut-être pas Timothée et Loris vu qu'ils n'ont pas de téléphone, mais les filles, est-ce que vous avez un téléphone? Est-ce que aussi vous découvrez des chansons via les réseaux sociaux? Moi j'aime bien écouter la musique sur Spotify et YouTube Music. Moi je découvre beaucoup de musique quand, par exemple, sur Spotify, on est tout ce qui est les hits du moment ou plein de choses comme ça, on découvre plein de musiques différentes et après on peut les réécouter si on les aime bien. Tiens, j'ai une question. Alors, ma question c'était pour du coup Timothée et Loris, et ceux qui n'ont pas de téléphone en fait en général, comme les autres disaient, c'était par Spotify qu'ils découvraient des trucs. Vous, c'est par quoi? C'est par YouTube, sur votre PC ou via les radios? Ou ce qu'écoutent vos parents, vos frères ou sœurs? Moi, c'est la radio, mes parents et moi avec Alexa. Moi, c'est plus la radio parce que à chaque fois que je vais quelque part, j'écoute tout le temps la radio et j'aime ça. Trop bien dans la voiture et tout. Et t'écoutes genre quel style de radio? Est-ce que c'est genre, je sais pas, fun radio ou énergie ou... Non, du énergie. Et les autres, vous disiez souvent que vous écoutez pas du tout la radio. Pourquoi vous aimez pas ça? Parce qu'on a 10 heures premium. Ok, donc y'a pas besoin. On peut choisir les musiques sans pub et tout. C'est mieux, c'est plus intuitif. Parce que là, c'est marrant parce que vous êtes sur une radio du coup. Mais dans la voiture et tout, vous écoutez pas la radio non plus? Bah, on n'a pas le choix, c'est pas nous qui choisissons. Mais... Et toi, Chris? Moi, j'écoute pas la radio parce que j'ai mon téléphone. Du coup, en plus, j'aime pas. C'est nul. Pourquoi t'aimes pas? Ouais, y a trop de pubs. Et je trouve ce qu'il dit, c'est pas intéressant. Enfin, si, ça m'intéresse pas. Ok. C'est peut-être parce que déjà, on choisit pas la musique. Puis c'est peut-être pas forcément des musiques que t'aimes bien. Puis des fois, c'est tout le temps les mêmes musiques qui passent. Il a raison. Du coup, c'est pas intéressant. Donc, ouais, ça dépend après des radios. Parce qu'il y a peut-être des radios qui diffusent des titres que t'aimes bien aussi, non? Ouais, mais non. Non. C'est pas celle que tes parents écoutent. Voilà. Est-ce qu'il y en a autour de la table qui connaissent des vieux titres des années 80 par exemple? Billie Jean de Michael Jackson. C'est bien. Et il y en a d'autres qui ont des titres un peu anciens ou qu'ils osent pas trop dire qu'ils aiment en vrai, mais qu'ils aiment bien. Un peu des guilty pleasures. Les Spice Girls. Yo! Moi j'aime bien les demandes minuit. Et vous les gars, il n'y a pas d'autres trucs que vous écoutez un peu hors de votre style et tout? Non. Vous êtes rap 100%? Effectivement. Mais en vrai les Spice Girls c'est pas mal. Non, j'y avais pas pensé. Ouais, c'est vrai. C'est quoi les Spice Girls? C'est un groupe des années 80-70. Ouais, c'est des années 90, c'est ça? C'est un girls band, genre c'est que des filles. Ok. C'était un débat sur la musique sur Ado Radio en direct de l'intervalle de Verrette. Avec l'équipe composée de moi, Timothée, Loris, Chris, Timéo, Léandro, Inelia, Maxine, Léana. Et enfin, pour clôture cette émission, nous allons passer le titre gravé dans la roche de Sniper. Bye bye! Salut! Bye! Au revoir! Salam alaikum. Tous ensemble sur Ado Radio. Ado Radio, la musique des ados. À l'époque c'était en voile beat, on fait le truc à l'arrache et laisse parler la rage. Moi et mes potes on veut graver ça dans la roche, on a la dalle et rien dans le beat. Depuis le blaze a tourné, tu connais la suite. Tout ça est passé bien vite, on sait que j'en suis dans la vraie vie. Oui c'est de ça dont je parle, ce serait mentir si je dirais que c'est pareil. Déjà je suis moins sur la paille et je suis sorti de mon trou, voir du pays est vide. Des moments forts avec mon crew qui fait entre nous.